casser, de te laisser aller. Prends mon épaule, moi je serai ta boussole. Ne sois pas folle, la vie peut être drôle. J'ai tout aménagé, un petit coin caché, un petit nid sucré où l'on pourra s'aimer. Regarde-moi, rassure-toi, viens dans mes bras, je serai toujours là pour mieux t'aimer. Je resterai à tes côtés. Ouais, ouais, ouais. Je connais ton chagrin. Je te tiendrai la main. Ça ira mieux demain. Je serai toujours là. Pleure sur mon épaule. Je serai ta boussole. Si ça te console, je serai toujours là pour toi. Je serai là pour toi, je serai.